maintenant je ne vis plus où les murs sont toujours gris. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Mes chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Mais quand la nuit arrive, je retourne dans la rue. Lorsque je suis né dans la rue. Chez les rois, on me choisit mes amis, les meilleurs qui soient. On voudrait me faire changer, mais c'est une course perdue. Vous perdez votre temps, je reviendrai à la rue. Parce que je suis né dans la rue, oui, je suis né dans la rue, dans la rue. J'espère que ce nouveau 33 tours vous aura plu. J'espère que vous avez aimé le nouveau style de blues que nous avons essayé de créer pour vous. À bientôt. Salut.